Le Radio Club. Leradioclub.com. Bonjour à toutes et à tous. De retour. Et voilà, je suis Arthur Legge. Philippe Thorne, bonjour à tous. Et aujourd'hui, alors qu'il est en train de finir son repas, parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne déconne pas. Non. Il est là, c'est notre premier invité, c'est le premier invité du Radio Club. Il s'appelle Nagra. Bonjour à toi, mon ami. Bonjour, mes amis. Tout le plaisir est pour nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es DJ, remixeur, ingénieur du son, voix off. Tu fais pas mal de pubs. Ouais. Le DJing, ça a démarré comment? Le DJing, ça a commencé quand j'étais jeune, en achetant des platines, une table de mixage, et puis je me suis lancé, et puis ensuite j'ai fini par atterrir dans une radio, et puis maintenant je travaille dans un studio où je suis en tant qu'ingénieur du son. Et je me suis remis tout doucement au mix. C'est un truc qui, c'est même premier amour, comme on ouais, dit. C'est cool. D'accord. Voilà. Alors, t'as fait du remix pour une radio célèbre qui s'appelle Skyrock. Mmh. Tu as fait pas mal d'émissions de radio, on peut le dire. J'ai réalisé beaucoup d'émissions de radio et je m'occupais de la prod. En fait, c'est tout ce qui est pub, jingle, habillage. Évidemment, on a préparé un peu l'émission. On t'a demandé d'amener quelques petites choses que j'ai retrouvées au fin fond de mon disque dur. Et tu sais que beaucoup de gens m'en ont parlé, m'ont dit mais c'est pas possible, il va venir avec des remixes, on va réentendre les remixes de Nagra. Oui. Parce que pour les plus jeunes, évidemment, ça parle pas. Même pour les plus vieux, tu as réalisé des trucs dont tout le monde se souvient. Notamment, par exemple, c'est le son que tu avais fait après la guerre d'Irak, la guerre du Golfe. La guerre du Vietnam. La guerre du Golfe. C'était pas après, c'était même pendant. C'était pendant la guerre du Golfe. Comment ça t'est pris? On a fini le morceau, la guerre n'était pas finie. Dernièrement, tu as fait une publicité pour un très grand chanteur belge. Je propose qu'on l'écoute. Jacques Brel, déjà 30 ans. Quand c'est la voix de Nagra. Les 100 plus belles chansons à s'offrir en et le coffret 3 DVD. Le plat pays qui est le mien ne me quitte pas. Non, j'ai voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Même si un jour à Knock le Zout, je deviens. Les 100 plus belles chansons de Jacques Brel et le Digipack 3 DVD disponibles dans de luxueux coffrets à prix spécial. Un événement Barclay avec RTL. Ouais. Oh bah voilà, c'était la voix de Nagra. Donc je me souviens, il fut un temps où tu n'avais pas du tout l'intention de faire de voix. Et ah puis... là, mais parler dans un micro pour moi, et enfin quand j'ai commencé, c'est. Tu veux dire qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire cette émission avec toi? Même pas en rêve. Même pas en rêve. Non, c'était quoi? C'était la timidité? C'était quoi? Bah oui, enfin comme beaucoup, on n'aime pas s'entendre. Même se voir. S'écouter. Voilà, même se voir. Il y en a qui kiffent s'entendre. Moi, je kiffe de me voir, donc ça va. Non, je déconne. Voilà, moi, j'étais plutôt, comme on dit, un homme des machines, des boutons. Alors, on parlait il y a un instant là, d'un morceau que tu avais fait. Je propose qu'on l'écoute, si vous êtes d'accord. Le morceau s'appelle comment? Alors, raconte-nous un peu l'histoire de ce morceau qui s'appelle Don't Be a Scud, Be a Patriot. Un ami était parti, une connaissance était parti aux États-Unis pendant une ou deux semaines, je crois. Il est revenu en France avec une cassette sur laquelle il avait enregistré plein de radios, choses comme ça. Il m'a dit, là-bas, c'est de la folie. Même en boîte de nuit, les mecs, ils passent des discours de bouche et tout. Enfin, ils étaient comme des fous, même en boîte. Et il m'a dit, faut qu'on fasse un morceau. Bah, je lui dis, bah oui, allons-y, pourquoi pas, enfin, on verra, oui. Voilà, et on n'en dit pas plus, et ça a donné le morceau qu'on écoute tout de suite. Rappelle-nous le titre. Don't be a scud, be a patriot. Our objectives are clear. Saddam Hussein's forces will leave Kuwait. Coverage of Operation Desert Storm. The sky over Baghdad is black. Our objectives are clear. Saddam Hussein's forces will leave Kuwait. Be a patriot. Don't be a scud. Don't be a scud. justice. I know you can do it. Peace and justice. I know you can do it. Peace and justice. Okay. The liberation of Kuwait has begun. This attack started tonight. C'est un véritable feu d'artifice dans le ciel. Écoutez et répétez. Their gas mask. The Israeli army has advised everyone to remain inside their homes and to open their special gas mask kits and listen to the radio. Be a patriot. Don't be a scud. Don't be a scud. Be a patriot. Don't be a scud. Don't be a scud. Be a patriot. C'est la panique. C'est la panique. Okay. Tell them to stay there and keep listening to the radio. We will not fail. We will not fail. Kuwait. Their gas mask. Their gas mask. Okay. Don't be a scud. Don't be a scud. Be a patriot. Don't be a scud. Don't be a scud. Be a patriot. Don't be a scud. Don't be a scud. Be a patriot. Scott, be a patriot. C'était quoi le nom du groupe? Deep Pool Operation. Notre invité aujourd'hui, c'est Nagra. C'est le premier invité du Radio Club. On est très contente de l'avoir avec nous. Vous avez compris, le mec fait de la pub, il a fait des remixes, il est DJ. Et ça, on va le découvrir d'ici quelques petites minutes. Et en plus de ça, il a fait des remixes. Vous venez d'en entendre un. Et donc, moi, je propose qu'on écoute un deuxième et dernier morceau de ton cru sorti de tes studios. C'est mon premier remix. Oh. C'est le tout premier que j'ai fait avec un magnéto à bande, comme les cassettes, mais en plus gros, en plus large. T'avais plein de rubans autour du cou, ou comment ça se passait pour... J'en mettais plein autour du cou, plein sur la table, j'en mettais plein par terre. Incroyable. Et des tonnes et des tonnes de collants. Après une nuit de travail, oui, il y avait parfait. Et celui-là, tu l'as fait en combien de temps, alors? Celui-là, il m'a pris quelques semaines, quand même. Parce que c'est très très long, il faut découper des petits bouts qui font 2-3 cm. Ouais. Et c'était en quelle année, donc, ce premier remix? En 42 88. Ah ouais. 1088. Il n'y a pas longtemps, quelques années. Mois. Bah ouais. Hein? 88. Et donc, ouais. L'artiste, c'est Rick Astley. Et le titre Forever. Forever, Together Forever, c'est ça? Ouais, bah, c'est, c'est bien possible, je n'en ai aucune idée, je m'en souviens pas. Bon, on l'écoute? Bon, on l'écoute. C'est marqué. Alors appuyez sur le bouton. I'm not afraid to die. 1988, le remix de Nagra de Rick Astley, Together Forever. C'est dans le Radio Club et uniquement dans le Radio Club. Ah, Nagra est notre invité cet après-midi, ce dimanche après-midi. C'est l'exclu, hein. Vous deviez aller chez la belle-mère, annuler tout. Restez avec nous. On reste là. Ou alors, dites à la belle-mère d'écouter le Radio Club. Voilà, exactement. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis Arthur Legg. Et je suis Philippe Thorn. Et c'est le Radio Club. Et aujourd'hui, on a notre premier invité. Bonjour à lui, il s'appelle Nagra. Bonjour, mon ami. Bonjour, mes amis. Tu es DJ, remixeur, voix off, bouffeur de salade de fruits. Voilà, remixeur, on vient d'écouter, si vous n'étiez pas là, les remixes que tu as fait. Donc il y avait le Rick Astley, et puis un des plus connus certainement, Don't Be a Scud, Be a Patriot, Deepool Operation. Et alors, évidemment, on prend le cours normal de notre émission, qui se constitue de trois parties. La première partie, on va démarrer dans un instant. La deuxième partie, c'est les DJ Mix. Donc forcément, aujourd'hui, il y aura le DJ Mix de Philippe Thorn, le mien et celui de Nagra. Et on terminera avec le bonus beat, consacré spécialement. Spécialement à Nagra, on réécoutera et on entendra d'autres remixes que monsieur a fait. Donc là, on va démarrer le ping-pong by le Radio Club. C'est parti. Appuyez sur la touche play. Nous démarrons. Alors, le principe. À moi le service. Ça va être à toi le service. D'accord. Mais on va expliquer pour les gens qui viennent nous rejoindre sur le radioclub.com ou sur les applications mobiles iOS et Android. On va expliquer le principe du ping-pong. Le ping-pong by le Radio Club, c'est simple. C'est une playlist de dingo que l'on fait au fur et à mesure. Un disque est passé par, d'habitude, Philippe Thorn et un disque par moi, Arthur Legg. Mais aujourd'hui, émission exceptionnelle, un ping-pong un petit peu chamboulé. Ping-pong exceptionnel, ça va être Nagra contre la team, le Radio Club. Arthur Legg et Philippe Thorn. D'accord, donc vous vous mettez à deux contre moi. Ouais, exactement. D'accord. Et alors l'idée, c'est que tu choisisses un disque. Juste pour t'emmerder. Je vois l'esprit, c'est sympa. Non, mais parce que t'es tellement fort. C'est sympa de m'avoir invité. Tellement fort. Le type est tellement fort, a une culture musicale tellement énorme que ça va nous donner un truc un peu dingo. Alors, donc, le principe, c'est que tu programmes un disque et nous programmons un autre disque derrière. D'accord. Et ça donne une playlist un petit peu folle parfois, une playlist de dingo. Ouais. Et il n'y a que sur le Radio Club. Tu rassures les auditeurs quand même qu'ils touchent à rien. Non, vous touchez à rien. N'allez pas sur. On peut changer les époques, on peut changer de langue, de style. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel et c'est un cran encore en dessus. À toi l'honneur. On dit pas ce que tu passes, on en parle à la fin du clash. C'est-à-dire que nous, on va te répondre. Après ton morceau, on va te répondre. D'accord. Et on en parle avec les anecdotes qui vont avec. Voilà. D'accord. Voilà. Le ping-pong by le Radio Club, c'est en direct. Et le premier disque est envoyé par Nagra. Leradioclub.com. Le Radio Club. We'll be right back. vrai que ça danse. Ah, pour faire son jogging, c'est nickel. On the radio. On the radio. The Selecteur. Les Selecteurs, c'était en quelle année, ça, 79. Tu sais, 79. Waouh. Waouh. J'ai sorti ma fiche Wiki, bah oui. Wikipédia. Ah, on est comme ça, nous, maintenant. Mais le mien, il est plus vieux encore. Donc ça, c'était le choix du Radio Club. Et face au Radio Club aujourd'hui, dans le ping-pong, il y a notre ami Nagra qui a joué juste avant... Cool and the Gang. Ouais. C'était un morceau de Cool and the Gang. Et ouais. Avant que James Taylor vienne, tout voilà, ça. Voilà. C'est vrai que ça devienne un peu commercial. C'était quelques années avant 79. Ouais, c'est début mi-70. Donc, t'as démarré le ping-pong avec un morceau de Cool and the Gang. Et face à lui, il y avait... On my radio, the selector. Le ping-pong by le Radio Club. C'est encore... On a le temps aujourd'hui. Vous inquiétez pas. Prenez pas la tête avec l'heure, tout ça. Machin, on s'en fout. On change pas d'heure. Les mômes vont à l'école demain. Votre patron, il vous attend que demain. Donc, vous prenez pas la tête. Aujourd'hui, on l'a fait à la cool. Non. Le deuxième clash, on te laisse encore l'honneur de démarrer la chanson. C'est parti, on y va. Ouais, ça groove, cet après-midi. Wow. Il y a le gros son. Le Radio Club. Near the wall, stroking his sticks and hold my thing while I go pee. It's gonna take Marshall. Come on! say. Ask me why I list them. Talking about that system. Let's take a look and see what's up today. Les mots non, aucune importance. cette circonstance. Blue, baby, blue. Je vais m'envoler si ça se trouve, baby, blue. Me laisser porter par ce mouvement qui groove. Savoir ce que j'éprouve, baby blue. Ce doit être mon cœur qui s'ouvre, baby blue. Groove, baby Ça, c'était bien, ça. Le Radio Club en direct de la chambre de Bonne, c'est là où on est, depuis Paris, place Vendôme. Ça, je le confirme. Michel Jonas, Groove Baby Groove. Oh putain, j'adore ce titre. Il adore. Non, mais en plus, il y a ça des musiciens de talent. Ça, ouais, ça vaut pas ce qu'on a écouté auparavant. Oui, alors auparavant, c'était quoi ton premier titre? C'était Georges. George Clinton. Le grand Georges. Et là, c'était le grand Michel avec. Alors, faut avec savoir. Ses cheveux courts. Oui, bah oui, c'était forcément. Un combat quand même, George Clinton, Michel Jonas. Ah, bah oui, mais bon, c'est... alors, ouais, pour le prestige, on peut dire que George Clinton a gagné, mais enfin, Michel Jonas, moi, Groove, que... Baby Groove, c'était non, quand même. Pas pour le... Non, il a gagné, point. Ah ouais, ouais oui. C'est okay. L'invité oui, qui a gagné. C'est qui l'invité, ouais, voilà. Bon, un peu de promo pour Michel Jonas, parce que c'est, on n'est oui, pas payé pour ça. On a besoin. Je peux gagner? Oui. Je peux en placer une, ça vous dérange pas? Oui, vas-y. Michel Jonas est en tournée avec ses musiciens. Alors, il y a deux formules, je crois. Il y a une formule piano aux voix avec Jean-Yves D'Angelo et Michel Jonas. Et il y a une formule avec Manu Katché, le grand batteur, Jean-Yves D'Angelo, et puis il y a un guitariste dont j'ai oublié le nom, et Michel Jonas en quatuor. Et je crois qu'ils seront c'est folie, voilà. Ah, les Franco. Les Franco de La Rochelle. Donc il sera le 14 juillet, Michel Jonas et son quartet. Et tous ses musicos, ouais. Et ben, je vous conseille d'y aller parce que Jonas sur scène, c'est vachement bien. Bon, on y va, on va aller prendre des places. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. La suite, on enchaîne. Et là, vous prenez le service. Et là, on prend le service parce qu'il y a un moment donné, il va falloir que. Alors que j'ai gagné. Non, mais t'as gagné un match sur les deux. Ça va. On envoie une balle, un truc de malade. Oui, bon, viens. Attention, parce que je suis très très bon en retour de service. T'es très bon en retour. Non, mais là, on va te faire une. Tu vas te prendre un petit match. On va te faire un Inner City Big Fun dans les oreilles. T'es prêt? Ouais. Alors, on y va. C'est ça qu'on t'envoie. Là, ça va être compliqué pour toi. Le ping-pong by le Radio Club. C'est tout cet après-midi. On a encore quelques matchs à faire. Restez avec nous, ne changez rien. On s'occupe de tout, surtout de votre playlist. Yeah. Ileaie, como você é bonito de se ver. Ileaie, que beleza mais bonita de se ter. Ileaie, como você é bonito de se ver. Ileaie, que beleza mais bonita de se ter. Ileaie, sua beleza se transforma em você. Ileaie, que maneira mais feliz de viver. Ileaie, como você é bonito de se ver. Ileaie, que beleza mais bonita de se ter. Ileaie, como você é bonito de se ver. Ileaie, que beleza mais bonita de se ter. Ileaie, sua beleza se transforma em você. Ileaie, que maneira mais feliz de você é bonito de se ver. Ileaie, que beleza mais bonita de se ter. Ileaie, Ileaie, como você é bonito de se ver. Ileaie, que beleza mais bonita de se ter. Le ping-pong by le Radio Club, c'était le choix de Nagra. Alors j'espère que tu vas te souvenir du nom et du titre, parce que ça c'est vachement bien. C'est brésilien, non? C'est brésilien, c'est Caetano Veloso. Mais alors, le titre, je me lancerai pas dedans parce qu'il fait... Ton accent portugais, est-ce qu'il est? Et voilà, exactement. D'accord. Et c'est beaucoup... Non, il y a au moins 10 mots. Donc, Non mais c'est vachement bien, c'est en tout cas. Tu peux rappeler quand même le nom de l'artiste. Caetano Veloso. Voilà. Gaëtan, moi je connaissais pas. Une playlist de Dingo, c'est uniquement dans le Radio Club. Et là, notre invité Nagra est un peu opposé à l'équipe du Radio Club. En tout cas, il balance ses balles et nous on balance les nôtres. Et puis vous êtes là au milieu de tout ça, vous écoutez. Vous écoutez. J'ai bien senti que vous n'étiez pas avec moi en fait. La playlist de Dingo. Bon, il en fait partie quoi. Tu nous laisses au moins celui-là ou pas? Tu nous laisses le gagner ce match? Ça fait que... C'est juste pour pas que vous ayez Fanny quoi. Moi je parle de celui qui vient. Parce que celui qui vient, c'est impossible que tu le gagnes. Ah bon? Avec ce qu'on va balancer, ouais. Là, t'es prêt à... Parce qu'il va falloir que tu mettes la barre un peu plus haut que le Brésilien. Là. Il est sympa le Brésilien qui chantait, mais enfin bon, dans le métro, il fait pas deux jours. C'est quoi. Sympa. Ah bon, que pas. Non, on rigole. Oh, mais commencé à chanter, t'étais pas nul à mon avis. Ouais, mais... Eh ben moi, je te dis, affûte tes balles. Le ping-pong by le Radio Club ne changeait rien. La musique, on s'occupe de tout, c'est tout. Nagra est notre invité, Philippe Tornella, je suis Arthur Leg, on vous aime. Le Radio même le Club, c'est oula. Ouvert surtout le dimanche. com. He's got it made. He won't admit it, but it's just a masquerade. He's a modern day deceiver with a case of false and fever. What a shame. It's a game. And then there's dear old sister Sailor. Ain't she sweet? Oh, yes, she ain't. She gets the word next thing you know. It's in the street. By the time it's been repeated, all the truth has been deleted. Oh, what a shame. Another game. Seems like everything we hear is just a tale. I've got something that will never ever fail. It's gonna spread love. Oh, it's gonna spread tonight. Spread love. The truth is no disguise. I've often said love could open any door. Oh, but I wish we had much more. More love is what we need. Da da da da. They have subscriptions to the gossip magazines. With a twisted sense of vision, they treat rumors like religion. What a shame. It's the same old well, these days it seems like everything we hear is just a tale. I believe in something. What the world needs now. We need is more love. Love. More love is what we need. Dum, dum, dum, dum, dum. Spread love. Dum, dum, instead dum, of spreading lies. Dum, dum. Spread love. You know that the truth needs no disguise. Oh, but say love could open any door. Oh, but I wish we had much more love. More love is what more we need. Waouh, la claque. Ouais. Là, ouais. Bravo. Franchement, le ping-pong by le Radio Club avec notre invité spécial Nagra aujourd'hui. Il y avait de la voix. Hein, il y avait de la voix plurielle. Il y avait de la voix. Pluriel. Non, ce n'était pas Manhattan Transfer. Et je te laisse le soin d'annoncer le groupe. C'était pas les frères Jacques non plus. C'était Tech6. Tech6. Voilà, ouais. 6 américains. Qui... T-A-K-E, plus loin, le chiffre 6. Voilà. Exactement. Et le titre ? Spread Love, un groupe qui existe depuis 87. D'accord. Et qui tourne régulièrement. Ils viennent quasiment tous les 18 mois à Paris faire un petit concert. Ah oui, tu les as si vus sur voulez, scène ? Deux ou trois fois déjà, oui. Ah oui, t'es un amateur de... Ah oui, je suis un grand fan depuis le tout début. D'accord. Ils sont pas du côté de l'Alabama ? Je les ai vus au Zénith. Le mec, faut qu'on vous explique quand même. Le mec a son portable, il est en train de regarder Wikipédia. Tu ne crois pas. Non, non, je voulais contrôler tes sources. Ah oui, non, mais c'est pas moi qui chante. Hein. Il y a vraiment... C'est, Philippe c'est Thorne, vraiment... la science. Mais moi, j'ai mon portable, Wikipédia, je suis sur Internet, quoi, je suis connecté. Tu ne crois pas. Bon, face à notre T99, les petits chanteurs d'opérette, là, je suis désolé, mais enfin bon, on est à deux partout quand même. Non, le genre, c'était pas mal, c'est vrai. T'as dansé comme un fou, je suis désolé. C'est vrai. Personne... Tu dis ça parce que t'es à l'antenne. Moi, je vais vous dire, personne n'a gagné, personne n'a perdu, d'accord ? D'accord. Ok, on fait du Jacques Martin. Ça veut dire qu'on efface tout. On efface tout, il reste trois. On a les cadeaux aussi à la fin ? Ouais, aussi. Ah. Tout le monde a gagné. D'accord. Il reste trois clashs à faire.

just to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I wonder what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you're proud that you're a selfish man. Radioclub.com, c'est là où vous nous écoutez. Vous pouvez aussi nous écouter sur les applications iOS, Android. Ah. Allez les télécharger dans les stores, il n'y a aucun souci. Le ping-pong by le Radio Club avec notre invité spécial aujourd'hui. Il s'appelle Nagra, DJ, remixeur, ouais, ingénieur du son, voix off. Bon, alors donc là, on vient d'écouter monsieur Philippe Torns. Là, je sais pas ce que t'as passé, un truc derrière mon dos. Tu m'avais pas prévenu, mais c'est un truc que tu m'as dit, il fallait que je passe. Ah bon, d'accord, bah vas-y. Steeler alors. Wheel. Bah oui, c'était bien ça. Stuck in the middle with you. C'est bien, sur la route, tout ça. Avec une grosse décapotable, oui, le bras, oui, sur la portière, peu, tout, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, un peu l'image. Quoi. Une blonde siliconée à côté de toi. Pas forcément siliconée, non, non. Non, non, pas forcément. Non, non, non, non, non. C'est bio. Voilà. Excuse-nous, Nagra, ça va ? Il n'y a pas de mal, faites votre tambour. Et toi, tu as joué tout à l'heure ? Stetsasonic. Bah, c'était bien. Les messieurs qui parlent sur de la musique jazz. Ah oui, non, ouais. Très bien, très bien. Un peu trituré en tous les sens. Bon, il reste deux clashs. Qui gagne alors en ce moment ? Eh ben, on a remis les compteurs à zéro juste avant ce match-là. Comme par hasard. Il reste deux clashs, on remet tout à zéro à partir de maintenant. T'es prêt à envoyer une balle, mais pas un truc. À moi le service. Ouais, à toi. D'accord. Le service et l'honneur. Vas-y, ouais, prends ça. Captain, the transporter's ready. That's it. Lieutenant Morbid, what is the condition of the planet's surface? It is difficult to be precise. However, my instruments indicate a condition of extreme rigor mortis spreading rapidly throughout the population. Highly illogical, Captain. A bunch of stiffs, huh? Well, set coordinates for Chocolate City and have a landing party of 9 men beam down immediately with phases set on funk funk. Very well, Captain Smirk. Get up! We are Eternal Funk, alias the Formaldehyde Funkmen. You can't see us, but you can feel us. Get up! cameo sound. Come on, get the funk of horns. It is our will to let you know that we exist. So don't resist. Let it all hang out. Don't be a dead boogie, baby. You dig my heavy drift. You dig my heavy drift. My drift's too hip to resist. My drift's too hip to resist. To get off on is a trip. To get off on is a trip. Funk, funk. If you can go with me, I can go with you. Just like two supposed to do. We can be as funky as we want to be, and can be funkier than that. We were here before you felt the funk, and we will be here after the funky feeling's gone. I'm stretching out on the floor. It feels too good to ignore. It feels too good to ignore. Sweat's all over my face, baby. Sweat's all over my face. It's a crazy place. Out on the floor again, baby. It feels too good to ignore. Sweat's all over my face. Funk, funk. Ha! It's a crazy place. We are eternal funk. We may be looked upon and called others, but it is all the one. Funk, eternal funk. We all live in funk, funk. I'm dead serious, baby. Come on, get down, baby. If you believe in us, you will be blessed with funk. Le Radio Club 1993, Paris Brooklyn, la puissance du son. Oui! It's the good, it's the bad. Le bien, le mal. The good, it's the bad. Le bien, le mal. Il était vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques. Ça reflète à la lumière et sans elle, du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. Le poids des mots et le choc des photos. Hey yo, it's time to get up. Time to change the world cause I'm better. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still. In every city, lots of kids they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that I know the good. The bad, le bien, le mal. The good, the bad, le bien, le mal. So beat me down. L'homme qui prend le microphone se nomme Solar. Maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangstar. À Paris, en France, comme dans la Rome antique. Imite le maître, mate le mythe comme Spartacus. Limite le mec qui millimètre après millimètre jette l'intellect à des kilomètres. It's your town, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, evil will win without a doubt. And it's the good, the bad, de l'existence du mieux dans un lieu plus pieux. Alors je prends de l'avance en prenant du recul, car prendre du recul c'est prendre de l'élan. I come in peace, my suckers always trying to front, so I gotta let them know, gotta let them know. This ain't no game punk, cause you could wind up dead with bullets to the head from the posse's leg. I'm like your mentor, and this is for your benefit, so kill the noise cause the rude boys ain't having it. It's the good, one night, one night, one night, one night, one night, one night. Le bien, le mal, yeah. En prophète de la fête, je suis contre ceux qui fêtent la défaite de la fête. Alors faites attention, cette recette intercepte de la guêpe, trouble fête et le son domine la situation. Le bien et le mal, situation critique. Problème politique et technique, ok man, tout s'explique. Yeah, my man MC Solar in the house. I'm known as the guru, you know that, you know that. Got the whole posse, Jimmy James, Mikey Mush Mush, Lucian, Blackjack, Levan, Terry, Ramses, Sunni MC, Seekler, Menelec, Bambi Cruz, Planet Mars, Strike, Regis, Boom Bass, Sadar, Democrat B, and the whole entire crew. You know what I'm saying? Taking no shorts in 93. Peace, it's the good and the bad, and I'm out. Gourou et Solar, le bien, le mal, 89. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Ça claque. Ça claque bien, ça, quand même. Ça, hein. C'était vraiment bien, ça. Et quelqu'un a des nouvelles de MC Solar, non? Oui, ah. Moi, j'en ai eu. Paraît-il qu'il sera en train de préparer un album. Ah, non. Bah voilà une bonne nouvelle. Je te jure. Ah, ça, c'est une très, très bonne c'est nouvelle. C'est quand même le premier à avoir fait un tube rap en français. Bouge de là. C'est, oui, bouge c'est, de là. C'est le premier, oui. On est bien d'accord. Ouais, on est d'accord. Le ping-pong by le Radio Club, on arrive au dernier clash. Là, encore une fois, on remet tous les compteurs à zéro. Comme ça, c'est... Ah bah comme ça, on va pas se disputer. Hein. C'est-à-dire que celui qui gagne... Comme ça, on va rester amis. Hein. Celui qui gagne maintenant, oui. C'est celui qui aura tout gagné. C'est champion du monde. C'est champion, champion du méga monde. Du monde. Tu, okay. Vois tu vois les ballons, là? C'est pour toi. Si t'as gagné, tu prends les ballons. Je les ai piqués au McDo tout à l'heure, tu sais. J'espère que tu es prêt, que tu ne vas pas nous sortir un truc de jazz gentillet pour un dimanche après-midi. Ah non, c'est là, c'est à moi, là bah, oui, ah non, là, c'est pas gentil. Là, c'est quelque chose qui, normalement, va tous vous mettre sur la table. Debout sur la table. Sur la table, mais il n'y a pas de table. Mais là, c'est un truc où tu es obligé de te lever. Bah ouais, le Radio Club, hein, vas-y. Eh ben, c'est parti. Drive you right out of your mind. Shake it out. I'm done. C'était bien ça. La musique de Manix pour terminer le ping-pong by le Radio Club. Et c'est pas une marque de préservatif, hein. Non, il faut pas confondre. D'accord. C'était un hommage à Mike Connors, vous vous rappelez de ce nom? Ah, c'est pas le mec qui c'était faisait Manix. Joe Manix, voilà. Joe Manix, voilà. 91 ans, 92. Et ben paix à son âme. Il est décédé il y a 2 jours, donc je me suis dit dimanche. Ouais, bonne idée. Il y a le Radio Club, hommage, quoi. Un petit clin d'œil. Non, ainsi s'achève le ping-pong by le Radio Club avec notre invité spécial Nagra. Comme tu es notre invité, eh ben c'est toi qui as gagné et ça nous fait plaisir de te laisser gagner. Ouais, moi aussi. Il joue à l'extérieur. Bon, bah, on vous remercie. La prochaine émission du ping-pong. C'est le 5. C'est le 5 mars. D'accord. Cette année. 2017, donc. Le 5 mars. Mais ça va vite passer. D'accord. Okay. Ça va très vite passer. On vous remercie d'avoir écouté. La playlist de Dingo, c'est uniquement sur le Radio Club et ça s'appelle le ping-pong by le Radio Club. Leradioclub.com. Le Radio Club is brought to you by pop-up-radio.com.